Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita. Marc Chonet et Michel Bilodeau avec vous ce soir. Installez-vous confortablement. On a deux bonnes heures de rock progressif à vous proposer et on donne le coup d'envoi avec Alliant. La formation italienne nous a présenté un quatrième album qui a pour titre Anime Invisibili et on va voir la pièce L'Écho d'Aleonde. Et puis d'Allemagne, Sand Project, c'est le deuxième extrait qu'on vous présente du nouvel album et c'est le 12e album studio du multi-instrumentiste Chris Engels. Évidemment, il n'est pas seul, il y a toujours des invités sur ses albums, mais quand même, il fait le gros du travail, comme on pourrait dire. Et c'est son troisième album cette année, mine de rien. Et puis, du Royaume-Uni, on aura Imaginary Kings qui arrive avec un quatrième album qui a pour titre Dreams from an Empty House. Et puis on aura la pièce Another Sunday Day in Heaven. Et par la suite, Marc, on revient en Italie. Oui, avec une formation de prog metal qui a pour nom DGM. Ils ont débuté à la fin des années 90 et viennent de faire paraître leur 12e album qui a pour titre Endless. Et ce qu'on aura pour vous ce soir, c'est la pièce Promises. Et ce sera suivi de la formation norvégienne Wizard, qui s'écrit W-I-Z-R-D, qui feront paraître le 6 décembre prochain leur second album qui a pour titre Elements. Et ce qu'on aura pour vous ce soir, c'est la pièce National Day. Et comme vous le disait Michel, on débute l'émission avec un nouvel extrait du nouvel album de la formation italienne Aliante. Sailing through the land. dreams, whispers of fate. We'll be right back. Journey to face the dawn of a new day has come. Terra Incognita se poursuit avec Marc Chonet et Michel Bilodeau. Pour amorcer cette nouvelle demi-heure, on va avoir deux rééditions. Premièrement, White Willow, un extrait de Storm Season, un disque qui est paru à l'origine en 2004, donc c'est le 20e anniversaire de l'album. Quatrième album studio pour ces Norvégiens. Et pour la toute première fois, le disque sera disponible en version vinyle. La date de parution, c'est le 13 décembre. Storm Season a été remasterisé par le leader du groupe Jacob Om Lupo. Et puis, du Royaume-Uni, Gandalf's Fist, qui lance une nouvelle édition de son album A Forest of Fae. C'est le 10e anniversaire de cet album qui est paru en 2014. Parmi les invités, on note la présence de Clive Nolan et de John Mitchell. Et puis Marc, par la suite, bon, retour en Norvège, mais on peut dire une réédition, mais ça marque pas un anniversaire important. Oui, en effet, c'est une formation de Oslo qui a pour nom Action Fredag. Ils avaient fait paraître leur premier album studio l'an dernier, donc en juin 2023, et viennent de faire paraître une édition CD avec pièce Bonnie au mois de septembre. Et comme autant le titre de l'album que de la pièce sont en norvégien, on vous invitera à consulter l'information sur notre site web terraincognita.québec. Et comme vous le disait Michel, on débute ce bloc musical avec la formation White Willow. Thank you.

De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Dans le prochain bloc musical, on aura entre autres une formation de Québec qui a pour nom NO3- qui faisait paraître cet été son premier album intitulé Émergence. Le groupe est composé de trois musiciens, Pierre Côté, Carl Tremblay et Jacques Lemay. On aura pour vous ce soir un troisième extrait de cet album avec la pièce Rendez-vous. C'est un rock progressif instrumental dont le style musical gravite autour du space rock, musique psychédélique et ambiant. On aura également un nouvel extrait du plus récent album de l'artiste britannique Brendan Perkins, tiré de l'album Favorite Places qui est paru ce printemps. On aura pour vous la pièce A Song for Friends. On aura également un nouvel extrait du plus récent album de la formation américaine Mile Marker Zero, tiré de Coming of Age avec la pièce End of August. Et pour débuter ce bloc musical, Michel, une excellente formation italienne qu'on aime beaucoup, toi et moi. Oui, on parlait tout à l'heure de réédition. Et bien, dans le cas de Odessa, le nouvel album, c'est presque ça. Le groupe a totalement réenregistré son tout premier album qui a pour titre Stazione Getsemani. Et on y rajoute 25 pour souligner le 25e anniversaire de la parution de l'album. Et on a retenu pour ce soir la pièce Esilio. while the pale trees sway from side to side. My heart is running fast. I could hear the rumble, feel it deep inside. Our last time. Smile from a friend while the darkened room sways side to side. We've all come so far. I can feel tomorrow, feel it deep inside. Our last night. never the future that the human needs. Curtains bluster in the stormy tales. Peace is waiting for the gentle seeds. Tell me that a friend holds dear the true meaning of a beloved memory. Dans le prochain bloc musical, on aura entre autres la formation italienne Nathan, qui ont fait paraître 3 albums. Ils ont débuté en 1997, mais ce sont des musiciens qui déjà étaient actifs à partir de la fin des années 70. Leur premier album, Nebulosa, est paru en 2016. Ils en ont réalisé un second, Era, en 2018, et leur plus récent, Uomini di Sabbia, en 2022. Ce qu'on aura pour vous ce soir, ce sont 2 pièces du premier album, Diluvio et Nebulosa. Et pour débuter le bloc musical, Michel, un excellent guitariste britannique. Ouais, un musicien qui se passe de présentation, un pionnier du rock progressif, et j'ai nommé Steve Hackett. Ce soir, on vous présente un extrait de son album The Night Siren, et c'est la pièce 50 Miles from the North Pole. Thank you. L'émission ce soir, eh bien, on a une formation turque. On peut pas dire que c'est très courant. Le nom de la formation, c'est Nemrod ou Nemrud. Et trois albums à sa feuille de route. Journey of the Shaman, paru en 2010. Ritual, en 2013. Et Nemrod, en 2016. C'est de cet album qu'on a tiré la pièce Gods of the Mountain. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21 21h. Merci d'être fidèle au rendez-vous et on vous promet deux bonnes heures de rock progressif la semaine prochaine, à la même heure, même poste. Restez à l'écoute, l'autoroute suit dans quelques instants et on vous souhaite une excellente fin de soirée à l'écoute de CKR. Earth.